aussi l'humeur de Guillermo Gris. Voilà. Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. Alors, si je vous dis Tanguy Pastureau, vous me répondez genre Pompidou, la Bretagne, l'un de l'autre et tout. Mais c'est bien, vous êtes réactif. Comme quoi, on a beau médire sur les amphétamines quand même. Tout ça parce que ça donne envie de faire du karaoké. En attendant, pour une fois, vous êtes concernés parce que je raconte. C'est pas mal cette drogue, faudrait en donner au public à l'occasion. Non, c'est vrai, la beuh, c'est bien aussi, mais ça rend assoupi. Tanguy Pastureau, ce n'est naturellement pas que ça. C'est aussi une passion quasi militaire pour les robots sexuels. C'est notre Denis Brognard à nous, quelque part. Comme il peut tester les prototypes, en fait, avant tout le monde, il a tendance à en parler souvent. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais par contre, je pense que Tanguy n'a jamais évoqué le robot sexuel Henri. Pour être sûr, je me suis refait ces 900 dernières chroniques, même les bonnes, hein, même celles d'RTL et tout. Et on a fait pas une trace. Henri, et je cite l'internet. Henri, et je cite l'internet mobile prépayé 2 gigas, 3ème gratuit. C'est le premier robot sexuel destiné aux femmes et capable de faire de l'humour. Là, il y a Leïla qui fait. Mais qu'en est-il de son sanskrit? Est-il capable d'une exégèse de l'œuvre prise au nom de la rose d'Umberto Eco en cyrillique? Non, Leïla, non. C'est avant tout un robot sexuel. Soyez patiente. La poupée gonflable Jean-Paul Sartre avec calvitie partielle, alcoolisme social et regard d'Armand Ikea. C'est pas tout de suite, c'est la prochaine génération. Patience, Leïla. Henri, lui, répond à un fantasme féminin plus commun, 1m80. Des abdos saillants et les yeux ténébreux. Pourquoi tu te touches quand tu parles comme ça? Henri, il a les yeux ténébreux de quelqu'un qui est positif dans la vie mais qui porte un lourd secret mais qui pourrait te le révéler après, disons quoi, 2 Bacardi Breezer. Et puis surtout, Henri, c'est les performances sexuelles que ses concepteurs qualifient de surhumaines. Là, il est fait fort bien, Ernesto, mais parlez-nous un peu du prix de cette machine. Est-ce qu'avec mes tickets restaurant, parce que là, il me reste 2 carnets. Eh bien, Leïla, pour 11 000 dollars, figurez-vous, vous avez la version de base d'Henri. Pour 12 000, il anticipe les grèves SNCF. Pour 13 000, il te cite tous les gagnants de C'est qui, encore qui connaît les paroles de cette chanson, l'émission de Nagui. Pour 14 000, il te donne le vrai nom de l'émission. C'est quoi le titre? Pour 15 000, le robot, c'est Nagui. Et voilà. Morphologiquement, on n'est pas loin d'ailleurs, puisqu'Henri fait 40 kilos. Et que sur le plan mécanique, son zgeg n'a pas encore la capacité de bouger. On est vraiment sur un hommage, Nagui. Pensez bon, droit d'auteur, utilisation de l'image, c'est dommage. Là, ils l'ont appelé Henri pour brouiller les pistes à cause d'Henri Krasuki. Mais c'est à vous. En revanche, comme précisé plus tôt, ce robot social est doté d'une espèce d'intelligence artificielle qui lui permet d'avoir des échanges culturels. On peut regarder Sophie d'avant plus tard, Henri. Mais il peut même sortir des phrases romantiques et tout. Des chansons d'amour et tout. Des poèmes, il peut faire des poèmes. Genre, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, fond et des bottes. Oh, ta gueule, Henri. Ta gueule, maintenant concentre-toi 2 secondes, appuie ici. Une mathématicienne d'Harvard a même déclaré que ce robot sexuel pousserait peut-être les hommes à s'améliorer et à se demander ce que les femmes veulent vraiment. Vous dites optimisme, je dis pourquoi pas. En plus, Henri est capable de faire des blagues, ce robot, vraiment. C'est vrai, j'ai vu une vidéo où il dit « Que fait un nuage quand il a une démangeaison? Il trouve le gratte-ciel le plus proche. » C'est pas mal. Ça me fait un peu mal au cœur de savoir qu'il y a des robots qui vont ken grâce à ce humour-là. Ouais. Mais si c'est ça le futur de l'humour, j'arrête de me casser la tête à trouver des vannes sophistiquées sur Daniel Morin. Je veux au plus simple. Qu'est-ce qu'il y a des poils et qui puent? Voilà, c'est réglé. Non, mais c'est vrai. Encore Daniel Morin. C'est réglé, une devinette simple. Non, mais sérieux, l'intelligence artificielle pourrait quand même aller plus loin dans l'élaboration des blagues. Quoi. C'est vrai. À quand le robot qui prendra des vrais risques au niveau de l'humour? Vas-y, Henri, fais-nous marrer avec les copines. Ok. C'est un sujet super sensible, mais je l'attends quand même. Qu'est-ce qu'on dit à une femme? Ok, c'est pas vrai. Jess, quand tu retournes dans ton étui. Voilà, dans 20 minutes, dans un DHL. Alors, non, mais c'est vrai, ça peut paraître trivial comme info, mais dans un marché quand même qui est dominé à 95% par les hommes étant Guy Pastureau, c'est une petite révolution. Moi, j'ai bien réfléchi. Je vais me l'acheter, je crois. On va la jouer en binôme. Hein. Lui fera l'amour et moi, je ferai les blagues. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillermo Gris. France Inter. Nagui. La bande originale. Le retour de la vengeance de Tanguy Pastureau, ça sera tout à l'heure, autour de midi. C'est bien, ça tacle les uns avec les autres. Mais tout ça dans un très bon esprit, bien sûr. Camaraderie, évidemment.